We'll return to possessives later in this unit. But now... Les nouveaux mots et phrases. Écoutez le français, puis l'anglais, puis encore le français, et répétez. Nous commençons. Son portefeuille. His or her wallet. Son portefeuille. Son argent. His or her money. Son argent. Ses cartes de crédit. His or her credit cards. Ses cartes de crédit. Maintenant, c'est à vous avec un petit test.